En Espagne, en Allemagne, en Italie, on voit Charles Quint, maître de tous ses États sous des titres différents, soutenant le fardeau de l'Europe, toujours en action et en négociation, heureux longtemps, en politique et en guerre, le seul empereur puissant depuis Charlemagne et le premier roi de toute l'Espagne depuis la conquête des Maures. Opposant des barrières à l'Empire ottoman, faisant des rois et une multitude de princes, et se dépouillant enfin de toutes les couronnes dont il est chargé pour aller mourir en solitaire après avoir troublé l'Europe. Son rival de gloire et de politique, François Ier, roi de France, moins heureux, mais plus brave et plus aimable, partage entre Charles Quint et lui les vœux et l'estime des nations. Vaincu et plein de gloire, il rend son royaume florissant malgré ses malheurs. Il transplante en France les beaux-arts qui étaient en Italie au plus haut point de perfection. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, trop cruel, trop capricieux pour être mis au rang des héros, a pourtant sa place entre ces rois, et par la révolution qu'il fit dans les esprits de ses peuples, et par la balance que l'Angleterre a pris sous lui à tenir entre les souverains. Il prit pour devise un guerrier tendant son arc avec ces mots: qui je défends est maître. Devise que sa nation a rendue quelquefois véritable.